Je n'ai d'autre dessein, en écrivant les mémoires de ma vie, que de rappeler les plus petites circonstances de mes malheurs, et de les graver encore, s'il est possible, plus profondément dans mon souvenir. La maison de Comminges, dont je sors, est une des plus illustres du royaume. Mon bisaïeul, qui avait deux garçons, donna au cadet des terres considérables, au préjudice de l'aîné, et lui fit prendre le nom de marquis de Lucan. L'amitié des deux frères n'en fut point altérée. Ils voulurent même que leurs enfants fussent élevés ensemble, mais cette éducation commune, dont l'objet était de les unir, les rendit au contraire ennemis presque en naissant. Mon père, qui était toujours surpassé dans ses exercices par le marquis de Lucan, en conçut une jalousie, qui devint bientôt de la haine. Ils avaient souvent des disputes, et comme mon père était toujours l'agresseur, c'était lui qu'on punissait. Un jour qu'il s'en plaignait à l'intendant de notre maison, « Je vous donnerai, lui dit cet homme, les moyens d'abaisser l'orgueil de M. de Lucan. Tous les biens qu'il possède vous appartiennent par une substitution, et votre grand-père n'a pu en disposer. Quand vous serez le maître, ajouta-t-il, il vous sera aisé de faire valoir vos droits. » Ce discours augmenta encore l'éloignement de mon père pour son cousin. Leurs disputes devenaient si vives qu'on fut obligé de les séparer. Ils passèrent plusieurs années sans se voir, pendant lesquelles ils furent tous deux mariés. Le marquis de Lucan n'eut qu'une fille de son mariage, et mon père n'eut aussi que moi. À peine fut-il en possession des biens de la maison, par la mort de mon grand-père, qu'il voulut faire usage des avis qu'on lui avait donnés. Il chercha tout ce qui pouvait établir ses droits. Il rejeta plusieurs propositions d'accommodement. Il intenta un procès, qui n'allait pas à moins qu'à dépouiller le marquis de Lucan de tout son bien. Une malheureuse rencontre qu'ils eurent un jour, à la chasse, acheva de les rendre irréconciliables. Mon père, toujours vif et plein de sa haine, lui dit des choses piquantes sur l'état où il prétendait le réduire. Le marquis, quoique naturellement d'un caractère doux, ne put s'empêcher de répondre. Ils mirent l'épée à la main. La fortune se déclara pour M. de Lucan. Il désarma mon père et voulut l'obliger à lui demander la vie. « Elle me serait odieuse si je te la devais, lui dit mon père. « Tu me la devras malgré toi, répondit M. de Lucan, en lui jetant son épée et en s'éloignant. Cette action de générosité ne toucha point mon père. Il sembla au contraire que sa haine était augmentée par la double victoire que son ennemi avait remportée sur lui. Aussi continua-t-il avec plus de vivacité que jamais les poursuites qu'il avait commencées. Les choses étaient en cet état quand je revins des voyages qu'on m'avait fait faire après mes études. Peu de jours après mon arrivée, l'abbé de R, parent de ma mère, donna avis à mon père que les titres d'où dépendait le gain de son procès étaient dans les archives de l'abbaye de R, où une partie des papiers de notre maison avait été transportée pendant les guerres civiles. Mon père était prié de garder un grand secret, de venir lui-même chercher ces papiers ou d'envoyer une personne de confiance à qui on put les remettre. Sa santé, qui était alors mauvaise, l'obligea à me charger de cette commission. Après m'en avoir exagéré l'importance, « Vous allez, me dit-il, travailler pour vous plus que pour moi. Ces biens vous appartiendront, mais quand vous n'auriez nul intérêt, je vous crois assez bien né pour partager mon ressentiment et pour m'aider à tirer vengeance des injures que j'ai reçues. » Je n'avais nulle raison de m'opposer à ce que mon père désirait de moi. Aussi l'assurais-je de mon obéissance. Après m'avoir donné toutes les instructions qu'il crut nécessaires, nous convînmes que je prendrais le nom de marquis de Longonois, pour ne donner aucun soupçon dans l'abbaye, où Madame de Lucan avait plusieurs parents. Je partis, accompagné d'un vieux domestique de mon père et de mon valet de chambre. Je pris le chemin de l'abbaye de R, mon voyage fut heureux. Je trouvai dans les archives les titres qui établissaient incontestablement la substitution dans notre maison. Je l'écrivis à mon père, et comme j'étais près de Bagnères, je lui demandai la permission d'y aller passer le temps des eaux. L'heureux succès de mon voyage lui donna tant de joie qu'il y consentit. J'y parus encore sous le nom de marquis de Longonois. Il aurait fallu plus d'équipage que je n'en avais pour soutenir la vanité de celui de Comminges. Je fus mené le lendemain de mon arrivée à la fontaine. Il règne dans ces lieux-là une gaieté et une liberté qui dispense de tout le cérémonial. Dès le premier jour, je fus admis dans toutes les parties de plaisir. On me mena dîner chez le marquis de la Valette qui donna une fête aux dames. Il y en avait déjà quelques-unes d'arrivées que j'avais vues à la fontaine, et à qui j'avais débité quelques galanteries, que je me croyais obligé de dire à toutes les femmes. J'étais près d'une d'elles quand je vis entrer une femme bien faite, suivie d'une fille qui joignait à la plus parfaite régularité des traits l'éclat de la plus brillante jeunesse. Tant de charme était encore relevé par son extrême modestie. Je l'aimais dès ce premier moment, et ce moment a décidé de toute ma vie. L'enjouement que j'avais eu jusque-là disparut. Je ne pus plus faire autre chose que la suivre et la regarder. Elle s'en aperçut et en rougit. On proposa la promenade. J'eus le plaisir de donner la main à cette aimable personne. Nous étions assez éloignés du reste de la compagnie pour que j'eusse pu lui parler. Mais moi, qui quelques moments auparavant avais toujours eu les yeux attachés sur elle, à peine osais-je les lever, quand je fus son témoin. J'avais dit jusque-là à toutes les femmes, même plus que je ne sentais. Je ne sus plus que me taire, aussitôt que je fus véritablement touché. Nous rejoignîmes la compagnie, sans que nous eussions prononcé un seul mot, ni l'un ni l'autre. On ramena les dames chez elles, et je revins m'enfermer chez moi. J'avais besoin d'être seul pour jouir de mon trouble et d'une certaine joie qui, je crois, accompagne toujours le commencement de l'amour. Le mien m'avait rendu si timide que je n'avais osé demander le nom de celle que j'aimais. Il me semblait que ma curiosité allait trahir le secret de mon cœur. Mais que devins-je quand on me nomma la fille du comte de Lucan? Tout ce que j'avais à redouter de la haine de nos pères se présenta à mon esprit. Mais de toutes les réflexions, la plus accablante fut la crainte que l'on eût inspirée à Adélaïde. C'était le nom de cette belle fille, de l'aversion pour tout ce qui portait le mien. Je me sus bon gré d'en avoir pris un autre. J'espérais qu'elle connaîtrait mon amour, sans être prévenue contre moi, et que quand je lui serais connu moi-même, je lui inspirerais du moins de la pitié. Je pris donc la résolution de cacher ma véritable condition encore mieux que je l'avais fait, et de chercher tous les moyens de plaire. Mais j'étais trop amoureux pour en employer d'autre que celui d'aimer. Je suivais Adélaïde partout. Je souhaitais avec ardeur une occasion de lui parler en particulier, et quand cette occasion tant désirée s'offrait, je n'avais plus la force d'en profiter. La crainte de perdre 1000 petites libertés dont je jouissais me retenait, et ce que je craignais encore plus, c'était de déplaire. Je vivais de cette sorte quand nous, promenant un soir avec toute la compagnie, Adélaïde laissa tomber en marchant un bracelet où tenait son portrait. Le chevalier de Saint-Odon, qui lui donnait la main, s'empressa de le ramasser, et après l'avoir regardé assez longtemps, le mit dans sa poche. Elle le lui demanda d'abord avec douceur, mais comme il s'obstinait à le garder, elle lui parla avec beaucoup de fierté. C'était un homme d'une jolie figure, que quelque aventure de galanterie où il avait réussi avait gâté. La fierté d'Adélaïde ne le déconcerta point. « Pourquoi, lui dit-il, mademoiselle, voulez-vous m'ôter un bien que je ne dois qu'à la fortune ?»« J'ose espérer, ajouta-t-il en s'approchant de son oreille, que quand mes sentiments vous seront connus, vous voudrez bien consentir au présent qu'elle vient de me faire. » Et sans attendre la réponse que cette déclaration lui aurait sans doute attirée, il se retira. Je n'étais pas alors auprès d'elle. Je m'étais arrêté un peu plus loin avec la marquise de Lavalette. Quoique je ne la quittasse que le moins qu'il me fût possible, je ne manquais à aucune des attentions qu'exigeait le respect infini que j'avais pour elle. Mais comme je l'entendis parler d'un ton plus animé qu'à l'ordinaire, je m'approchai. Elle contait à sa mère, avec beaucoup d'émotion, ce qui venait d'arriver. Madame de Lucan en fut aussi offensée que sa fille. Je ne dis mot. Je continuai même la promenade avec les dames. Et aussitôt que je les eus remises chez elles, je fis chercher le chevalier. On le trouva chez lui. On lui dit de ma part que je l'attendais dans un endroit qui lui fut indiqué. Il y vint. « Je suis persuadé, lui dis-je en l'abordant, que ce qui vient de se passer à la promenade est une plaisanterie. Vous êtes un trop galant homme pour pouvoir garder le portrait d'une femme malgré elle. Je ne sais, me répliqua-t-il, quel intérêt vous pouvez y prendre, mais je sais bien que je ne souffre pas volontiers des conseils. J'espère, lui dis-je, en mettant l'épée à la main, vous obliger de cette façon à recevoir les miens. » Le chevalier était brave. Nous nous battîmes quelque temps avec assez d'égalité, mais il n'était pas animé comme moi par le désir de rendre service à ce qu'il aimait. Je m'abandonnais sans ménagement. Il me blessa légèrement en deux endroits. Il eut à son tour deux grandes blessures. Je l'obligeai de demander l'avis et de me rendre le portrait. Après l'avoir aidé à se relever et l'avoir conduit dans une maison qui était à deux pas de là, je me retirai chez moi, où, après m'être fait penser, je me mis à considérer le portrait, à le baiser mille et mille fois. Je savais peindre assez joliment. S'en fallait-il cependant beaucoup que je fusse habile. Mais de quoi l'amour ne vient-il pas à bout? J'entrepris de copier ce portrait. J'y passais toute la nuit, et j'y réussis si bien que j'avais peine moi-même à distinguer la copie de l'original. Cela me fit naître la pensée de substituer l'un à l'autre. J'y trouvais l'avantage d'avoir celui qui avait appartenu à Adélaïde, et de l'obliger, sans qu'elle le sût, à me faire la faveur de porter mon ouvrage. Toutes ces choses sont considérables quand on aime, et mon cœur en savait bien le prix. Après avoir ajusté le bracelet de façon que mon vol ne pût être découvert, j'allais le porter à Adélaïde. Madame de Lussan me dit, sur cela, mille choses obligeantes. Adélaïde parla peu. Elle était embarrassée, mais je voyais à travers cet embarras la joie de m'être obligé, et cette joie m'en donnait à moi-même une bien sensible. J'ai eu dans ma vie quelques-uns de ces moments délicieux, et si mes malheurs n'avaient été que des malheurs ordinaires, je ne croirais pas les avoir trop achetés. Cette petite aventure me mit tout à fait bien auprès de Madame de Lussan. J'étais toujours chez elle. Je voyais Adélaïde à toutes les heures, et quoique je ne lui parlasse pas de mon amour, j'étais sûr qu'elle le connaissait, et j'avais lieu de croire que je n'étais pas haï. Les cœurs aussi sensibles que les nôtres s'entendent bien vite. Tout est expressif pour eux. Il y avait 2 mois que je vivais de cette sorte quand je reçus une lettre de mon père, qui m'ordonnait de partir. Cet ordre fut un coup de foudre. J'avais été occupé tout entier du plaisir de voir et d'aimer Adélaïde. L'idée de m'en éloigner me fut toute nouvelle. La douleur de m'en séparer, les suites du procès qui étaient entre nos familles, se présentèrent à mon esprit avec tout ce qu'elles avaient d'odieux. Je passai la nuit dans une agitation que je ne puis exprimer. Après avoir fait 100 projets qui se détruisaient l'un l'autre, il me vint tout d'un coup, dans la tête, de brûler les papiers que j'avais entre les mains, et qui établissaient nos droits sur les biens de la maison de Lussan. Je fus étonné que cette idée ne me fût pas venue plus tôt. Je prévenais par là les procès que je craignais tant. Mon père, qui était très engagé, pouvait, pour les terminer, consentir à mon mariage avec Adélaïde. Mais quand cette espérance n'aurait point eu lieu, je ne pouvais consentir à donner des armes contre ce que j'aimais. Je me reprochais même d'avoir gardé si longtemps quelque chose dont ma tendresse m'aurait dû faire le sacrifice beaucoup plus tôt. Le tort que je faisais à mon père ne m'arrêta pas. Ses biens m'étaient substitués, et j'avais eu une succession d'un frère de ma mère que je pouvais lui abandonner, et qui était plus considérable que je ne lui faisais perdre. En fallait-il davantage pour convaincre un homme amoureux ? Je crus avoir droit de disposer de ses papiers. J'allai chercher la cassette qui les renfermait. Je n'ai jamais passé de moment plus doux que celui où je les jetais au feu. Le plaisir de faire quelque chose pour ce que j'aimais me ravissait. Si elle m'aime, disais-je, elle saura quelque jour le sacrifice que je lui ai fait, mais je le lui laisserai toujours ignorer si je ne puis toucher son cœur. Que ferais-je d'une reconnaissance qu'on serait fâché de me devoir ? Je veux qu'Adélaïde m'aime, et je ne veux pas qu'elle me soit obligée. J'avoue cependant que je me trouvais plus de hardiesse pour lui parler. La liberté que j'avais chez elle m'en fit naître l'occasion dès le même jour. « Je vais bientôt m'éloigner de vous, belle Adélaïde, » lui dis-je. « Vous souviendrez-vous quelquefois d'un homme dont vous faites toute la destinée ?» Je n'eus pas la force de continuer. Elle me parut interdite. Je crus même voir de la douleur dans ses yeux. « Vous m'avez entendu, » repris-je. « De grâce, répondez-moi, un mot. »« Que voulez-vous que je vous dise ?» me répondit-elle. « Je ne devrais pas vous entendre et je ne dois pas vous répondre. » À peine se donna-t-elle le temps de prononcer ce peu de paroles, elle me quitta aussitôt. Et quoi que je pusse faire dans le reste de la journée, il me fut impossible de lui parler. Elle me fuyait. Elle avait l'air embarrassée. Que cet embarras avait de charme pour mon cœur. Je le respectais. Je ne la regardais qu'avec crainte. Il me semblait que ma hardiesse l'aurait fait repentir de ses bontés. J'aurais gardé cette conduite si conforme à mon respect et à la délicatesse de mes sentiments si la nécessité où j'étais de partir ne m'avait pressé de parler. Je voulais, avant que de me séparer d'Adélaïde, lui apprendre mon véritable nom. Cet aveu me coûta encore plus que celui de mon amour. « Vous me fuyez, lui dis-je. Que ferez-vous quand vous saurez tous mes crimes, ou plutôt tous mes malheurs ? Je vous ai abusé par un nom supposé. Je ne suis point ce que vous me croyez. Je suis le fils du comte de Comminges. » « Vous êtes le fils du comte de Comminges ?» s'écria Adélaïde. « Quoi, vous êtes notre ennemi ?»« C'est vous, c'est votre père qui poursuivez la ruine du mien. »« Ne m'accablez point, lui dis-je, d'un nom aussi odieux. Je suis un amant prêt à tout sacrifier pour vous. Mon père ne vous fera jamais de mal. Mon amour vous assure de lui. »« Pourquoi, me répondit Adélaïde, m'avez-vous trompé ? Que ne vous montriez-vous sous votre véritable nom ? Il m'aurait averti de vous fuir. Ne vous repentez pas de quelque bonté que vous avez eue pour moi, lui dis-je. » en lui prenant la main que je baisais malgré elle. « Laissez-moi, me dit-elle, plus je vous vois et plus je rends inévitables les malheurs que je crains. » La douceur de ses paroles me pénétra d'une joie qui ne me montra que des espérances. Je me flattais que je rendrais mon père favorable à ma passion. J'étais si plein de mon sentiment qu'il me semblait que tout devait sentir et penser comme moi. Je parlais à Adélaïde de mes projets, en homme sûr de réussir. « Je ne sais pourquoi, me dit-elle, mon cœur se refuse aux espérances que vous voulez me donner. Je n'envisage que des malheurs, et cependant je trouve du plaisir à sentir ce que je sens pour vous. Je vous ai laissé voir mes sentiments. Je veux bien que vous les connaissiez, mais souvenez-vous que je saurai, quand il le faudra, les sacrifier à mon devoir. » J'eus encore plusieurs conversations avec Adélaïde avant mon départ. J'y trouvais toujours de nouvelles raisons de m'applaudir de mon bonheur. Le plaisir d'aimer et de connaître que j'étais aimé remplissait tout mon cœur. Aucun soupçon, aucune crainte, pas même pour l'avenir, ne troublait la douceur de nos entretiens. Nous étions sûrs l'un de l'autre, parce que nous nous estimions. Et cette certitude, bien loin de diminuer notre vivacité, y ajoutait encore les charmes de la confiance. La seule chose qui inquiétait Adélaïde était la crainte de mon père. « Je mourrais de douleur, me disait-elle, si je vous attirais la disgrâce de votre famille. Je veux que vous m'aimiez, mais je veux surtout que vous soyez heureux. » Je partis enfin, plein de la plus tendre et la plus vive passion qu'un cœur puisse ressentir, et tout occupé du dessein de rendre mon père favorable à mon amour. Cependant, il était informé de tout ce qui s'était passé à Bagnères. Le domestique qu'il avait mis près de moi avait des ordres secrets de veiller sur ma conduite. Il n'avait laissé ignorer ni mon amour, ni mon combat contre le chevalier de Saint-Audon. Malheureusement, le chevalier était fils d'un ami de mon père. Cette circonstance et le danger où il était de sa blessure tournaient encore contre moi. Le domestique qui avait rendu un compte si exact m'avait dit beaucoup plus heureux que je n'étais. Il avait peint madame et mademoiselle de Lussan remplis d'artifices, qui m'avaient connu pour le comte de Coninges, et qui avaient eu dessein de me séduire. Plein de ces idées, mon père, naturellement emporté, me traita à mon retour avec beaucoup de rigueur. Il me reprocha mon amour comme il m'aurait reproché le plus grand crime. « Vous avez donc la lâcheté d'aimer mes ennemis, me dit-il, et sans respect pour ce que vous me devez et pour ce que vous vous devez à vous-même, vous vous liez avec eux. Que sais-je même si vous n'avez point fait quelque projet plus odieux encore ?»« Oui, mon père, lui dis-je en me jetant à ses pieds, je suis coupable, mais je le suis malgré moi. » Dans ce même moment où je vous demande pardon, je sens que rien ne peut arracher de mon cœur cet amour qui vous irrite. Ayez pitié de moi, j'ose vous le dire, et ayez pitié de vous. Finissez une querelle qui trouble le repos de votre vie. L'inclination que la fille de M. de Lussan et moi avons prise, l'un pour l'autre, aussitôt que nous nous sommes vus, est peut-être un avertissement que le ciel vous donne. Mon père, vous n'avez que moi d'enfant, voulez-vous me rendre malheureux? Et combien mes malheurs me seront-ils plus sensibles encore quand ils seront votre ouvrage? « Laissez-vous attendrir pour un fils qui ne vous enfonce que par une fatalité dont il n'est pas le maître. » Mon père, qui m'avait laissé à ses pieds tant que j'avais parlé, me regarda longtemps avec indignation. « Je vous ai écouté, me dit-il enfin, avec une patience dont je suis moi-même étonné et dont je ne me serais pas cru capable. Aussi, c'est la seule grâce que vous devez attendre de moi. Il faut renoncer à votre folie ou à la qualité de mon fils. » Prenez votre parti sur cela et commencez à me rendre les papiers dont vous êtes chargé. Vous êtes indigne de ma confiance. Si mon père s'était laissé fléchir, la demande qu'il me faisait m'aurait embarrassé. Mais sa dureté me donna du courage. Ces papiers, lui dis-je, ne sont plus en ma puissance. Je les ai brûlés. Prenez pour vous dédommager les biens qui me sont déjà acquis. À peine eus-je le temps de prononcer ce peu de paroles, mon père furieux vint sur moi l'épée à la main. Il m'en aurait percé sans doute, car je ne faisais pas le plus petit effort pour l'éviter, si ma mère ne fût entrée dans ce moment. Elle se jeta entre nous. « Que faites-vous ? » lui dit-elle. « Songez-vous que c'est votre fils ?» Et me poussant hors de la chambre, elle m'ordonna d'aller l'attendre dans la sienne. Je l'attendis longtemps. Elle vint enfin. Ce ne fut plus des emportements et des fureurs que j'eus à combattre. Ce fut une mère tendre qui entrait dans mes peines, qui me priait avec des larmes d'avoir pitié de l'état où je la réduisais. « Quoi, mon fils, me disait-elle, une maîtresse, et une maîtresse, encore que vous ne connaissez que depuis quelques jours, peut l'emporter sur une mère. Et là, si votre bonheur ne dépendait que de moi, je sacrifierais tout pour vous rendre heureux. Mais vous avez un père qui veut être obéi. Il est prêt à prendre les résolutions les plus violentes contre vous. Voulez-vous m'accabler de douleur ? Étouffez une passion qui nous rendra tous malheureux. » Je n'avais pas la force de lui répondre. je l'aimais tendrement. Mais l'amour était plus fort dans mon cœur. « Je voudrais mourir, lui dis-je, plutôt que de vous déplaire, et je mourrai si vous n'avez pitié de moi. Que voulez-vous que je fasse? Il m'est plus aisé de m'arracher la vie que d'oublier Adélaïde. Pourquoi trahirais-je les serments que je lui ai faits? Quoi? Je l'aurais engagé à me témoigner de la bonté, je pourrais me flatter d'en être aimé, et je l'abandonnerais? Non, ma mère, vous ne voulez pas que je sois le plus lâche des hommes. » Je lui contai alors tout ce qui s'était passé entre nous. « Elle vous aimerait, ajoutai-je, et vous l'aimeriez aussi. Elle a votre douceur, elle a votre franchise. Pourquoi voudriez-vous que je cessasse de l'aimer ?»« Mais, me dit-elle, que prétendez-vous faire? Votre père veut vous marier, et veut en attendant que vous alliez à la campagne. Il faut absolument que vous paraissiez déterminé à lui obéir. Il compte vous faire partir demain avec un homme qui a sa confiance. L'absence fera peut-être plus sur vous que vous ne croyez. En tout cas, n'irritez pas encore monsieur de Comminges par votre résistance. » « Demandez du temps. Je ferai de mon côté tout ce qui dépendra de moi pour votre satisfaction. La haine de votre père dure trop longtemps. Quand sa vengeance aurait été légitime, il la pousserait trop loin. Mais vous avez eu un très grand tort de brûler les papiers. Il est persuadé que c'est un sacrifice que Madame de Lussan a ordonné à sa fille d'exiger de vous. « Ah » m'écriai-je, « est-il possible qu'on puisse faire cette injustice à Madame de Lussan ?» Bien loin d'avoir exigé quelque chose, Adélaïde ignore ce que j'ai fait. Et je suis bien sûr qu'elle aurait employé pour m'en empêcher tout le pouvoir qu'elle a sur moi. Nous prîmes ensuite des mesures, ma mère et moi, pour que je pusse recevoir de ses nouvelles. J'osais même la prier de m'en donner d'Adélaïde, qui devait venir à Bordeaux. Elle eut la complaisance de me le promettre, en exigeant que si Adélaïde ne pensait pas pour moi, comme je le croyais, je me soumettrais à ce que mon père souhaiterait. Nous passâmes une partie de la nuit dans cette conversation, et dès que le jour parut, mon conducteur me vint avertir qu'il fallait monter à cheval. La terre où je devais passer le temps de mon exil était dans les montagnes, à quelques lieues de Bagnères, de sorte que je fis la même route que je venais de faire. Nous étions arrivés d'assez bonne heure, le second jour de notre marche, dans un village où nous devions passer la nuit. En attendant l'heure du souper, je me promenais, dans le grand chemin, quand je vis de loin un équipage, qui allait à toute bride et qui versa très lourdement à quelques pas de moi. Le battement de mon cœur m'annonça la part que je devais prendre à cet accident. Je volai à ce carrosse. Deux hommes, qui étaient descendus de cheval, se joignirent à moi pour secourir ceux qui étaient dedans. On s'attend bien que c'était Adélaïde et sa mère. C'était effectivement elle. Adélaïde s'était fort blessée au pied. Il me sembla cependant que le plaisir de me revoir ne lui laissait pas sentir son mal. Que ce moment eut de charme pour moi. Après tant de douleurs, après tant d'années, il est présent à mon souvenir. Comme elle ne pouvait marcher, je la pris entre mes bras. Elle avait les siens passés autour de mon cou, et une de ses mains touchait à ma bouche. J'étais dans un ravissement qui m'ôtait presque la respiration. Adélaïde s'en aperçut. Sa pudeur en fut alarmée. Elle fit un mouvement pour se dégager de mes bras. Et hélas, qu'elle connaissait peu l'excès de mon amour. J'étais trop plein de mon bonheur pour penser qu'il y en eût quelqu'un au-delà. « Mettez-moi à terre, me dit-elle d'une voix basse et timide. Je crois que je pourrais marcher. » « Quoi ?» lui répondis-je. « Vous avez la cruauté de m'envier le seul bien que je goûterai peut-être jamais. » Je serrai tendrement Adélaïde en prononçant ces paroles. Elle ne dit plus mot, et un faux pas que je fis l'obligea à reprendre sa première attitude. Le cabaret était si près que j'y fus bientôt. Je la portai sur un lit, tandis qu'on mettait sa mère, qui était beaucoup plus blessée qu'elle, dans un autre. Pendant qu'on était occupé près de Madame de Lussan, j'eus le temps de conter à Adélaïde une partie de ce qui s'était passé entre mon père et moi. Je supprimai l'article des papiers brûlés, dont elle n'avait aucune connaissance. Je ne sais même si j'eusse voulu qu'elle l'eût su. C'était en quelque façon lui imposer la nécessité de m'aimer, et je voulais devoir tout à son cœur. Je n'osais lui peindre mon père tel qu'il était. Adélaïde était vertueuse. Je sentais que pour se livrer à mon inclination, elle avait besoin d'espérer que nous serions unis un jour. J'appuyais beaucoup sur la tendresse de ma mère pour moi, et sur ses favorables dispositions. Je priai Adélaïde de la voir. « Parlez à ma mère, me dit-elle. Elle connaît vos sentiments. Je lui ai fait l'aveu des miens. J'ai senti que son autorité m'était nécessaire pour me donner la force de les combattre, s'il le faut, ou pour m'y livrer sans scrupule. Elle cherchera tous les moyens pour amener mon père à proposer encore un accommodement. Nous avons des parents communs que nous ferons agir. » La joie que ses espérances donnaient à Adélaïde me faisait sentir encore plus vivement mon malheur. « Dites-moi, lui répondis-je en lui prenant la main, que si nos pères sont inexorables, vous aurez quelque pitié pour un malheureux. Je ferai ce que je pourrai, me dit-elle, pour régler mes sentiments par mon devoir, mais je sens que je serai très malheureuse si ce devoir est contre vous. » Ceux qui avaient été occupés à secourir Madame de Lussan s'approchèrent alors de sa fille et rompirent notre conversation. Je fus au lit de la mère, qui me reçut avec bonté. Elle me promit de faire tous ses efforts pour réconcilier nos familles. Je sortis ensuite pour les laisser en liberté. Mon conducteur, qui m'attendait dans ma chambre, n'avait pas daigné s'informer de ceux qui venaient d'arriver, ce qui me donna la liberté de voir encore un moment Adélaïde, avant que de partir. J'entrai dans sa chambre dans un état plus aisé à imaginer qu'à représenter. Je craignais de la voir pour la dernière fois. Je m'approchai de la mère. Ma douleur lui parla pour moi bien mieux que je n'eusse pu faire. Aussi en reçus-je encore plus de marques de bonté que le soir précédent. Adélaïde était à un autre bout de la chambre. J'allais à elle d'un pas chancelant. « Je vous quitte, ma chère Adélaïde. » Je répétais la même chose deux ou trois fois. Les larmes que je ne pouvais retenir lui dirent le reste. Elle en répondit aussi. « Je vous montre toute ma sensibilité, me dit-elle. Je ne m'en fais aucun reproche. Ce que je sens dans mon cœur autorise ma franchise, et vous méritez bien que j'en aie pour vous. Je ne sais quelle sera votre destinée. Mes parents décideront de la mienne. Et pourquoi nous assujettir, lui répondis-je, à la tyrannie de nos pères? Laissons-les se haïr, puisqu'ils le veulent, et allons dans quelque coin du monde jouir de notre tendresse et nous en faire un devoir. Que m'osez-vous proposer? Me répondit-elle. Voulez-vous me faire repentir des sentiments que j'ai pour vous? Ma tendresse peut me rendre malheureuse, je vous l'ai dit, mais elle ne me rendra jamais criminelle. Adieu, ajouta-t-elle en me tendant la main. C'est par notre constance et par notre vertu que nous devons tâcher de rendre notre fortune meilleure. Mais quoi qu'il nous arrive, promettons-nous de ne rien faire qui puisse nous faire rougir l'un de l'autre. Je baisai, pendant qu'elle me parlait, la main qu'elle m'avait tendue. Je la mouillai de mes larmes. Je ne suis capable, lui dis-je enfin, que de vous aimer et de mourir de douleur. J'avais le cœur si serré que je pus à peine prononcer ces dernières paroles. Je sortis de ces deux chambres, je montai à cheval et j'arrivai au lieu où nous devions dîner, sans avoir fait autre chose que de pleurer. Mes larmes coulaient et j'y trouvais une espèce de douceur. Quand le cœur est véritablement touché, il sent du plaisir, à tout ce qui lui prouve à lui-même sa propre sensibilité. Le reste de notre voyage se passa comme le commencement, sans que j'eusse prononcé une seule parole. Nous arrivâmes le troisième jour dans un château bâti auprès des Pyrénées. On voit alentour des pins, des cyprès, des rochers escarpés et arides, et on n'entend que le bruit des torrents, qui se précipitent entre les rochers. Cette demeure si sauvage me plaisait, par cela même qu'elle ajoutait encore à ma mélancolie. Je passais les journées entières dans les bois, j'écrivais quand j'étais revenu des lettres où j'exprimais tous mes sentiments. Cette occupation était mon unique plaisir. Je les lui donnerai un jour, disais-je. Elle verra par là à quoi j'ai passé le temps de l'absence. J'en recevais quelquefois de ma mère. Elle m'en écrivit une qui me donnait quelque espérance. Et là, c'est le dernier moment de joie que j'ai ressenti. Elle me mandait que tous nos parents travaillaient à raccommoder notre famille et qu'il y avait lieu de croire qu'ils y réussiraient.